Il faut le faire, hein. Toucher la boule et faire ça bouche en même temps. Rien à faire. Ah, c'est bien fait. Gros. Allez, Jean. Allez, Jean. Allez, Jean. Fais attention, vous êtes filmé. Ça filme pas. Ouais, Daniel. Allez, celle-là, Jean. Va, allez. Oh, de la merde. Ah, non, eh. Pardon. Bah oui, hein. Allons. Excusez-moi. Ça enregistre ou... Ah, pardon. On dit, t'as vu les quatre alignés, là. Boum, boum, boum. Ouais, joue. T'as une minute. 5. C'est incroyable, hein. Hein? Celle-là. Elle aurait bien croqué, celle-là. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Ouais. C'est des chihuahuas ça. Parce que oui, c'est pour rassembler au centre.